très bien pu ne pas appuyer. Ne pas ouvrir la poche anale. Mais il a choisi de chier, comme il aurait choisi de vivre. Il y a dans l'être quelque chose de particulièrement tentant pour l'homme. Et ce quelque chose est justement le caca! Bonjour, je peux avoir une baguette s'il vous plaît ?